Le 7 août, sont arrivés à Pyongyang par avion le président de l'association d'amitié Suède-Corée, Christer Lundgren, co-président du comité préparatoire de l'Europe pour le rendez-vous en l'honneur des grands impacts de 2017 et sa suite, et la délégation du comité préparatoire suédois pour le rendez-vous en l'honneur des grands impacts de 2017, conduite par Ulla Obrant, pour participer au 5e festival international en l'honneur des grands impacts de 2017.